Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, les allocations familiales, le premier programme universel de sécurité sociale au pays. Le gouvernement qui est le plus proche des citoyens, c'est celui de la province. Dans le domaine social comme dans le domaine économique, en autant qu'il s'agit de la vie quotidienne des gens et puis de la façon d'agir sur les problèmes quotidiens des gens pour essayer de d'aider tout le monde à les corriger, que ce soit dans le domaine de l'assistance sociale, que ce soit dans le domaine des allocations familiales, toutes ces choses-là sont essentiellement de juridiction provinciale. Dès sa création par le gouvernement fédéral, le programme d'allocation familiale va être contesté au Québec. C'est d'abord le premier ministre Duplessis qui en découdra avec Ottawa sur la question du respect des compétences du Québec à l'entrée en vigueur du programme en 45. Et puis d'autres gouvernements québécois dénonceront par la suite l'ingérence d'Ottawa dans un champ de compétences provinciales avec ce programme d'allocation familiale, tel qu'en témoigne cet extrait qu'on vient d'entendre de René Lévesque en 1966, alors qu'il était ministre de la Famille et du Bien-être social au gouvernement libéral de Jean Lesage. Il reste que ce programme fédéral d'allocation familiale aura été le tout premier programme universel de sécurité sociale au pays et qu'il aura aussi, à ce titre-là, constitué la pierre d'assise, au fond, sur laquelle reposeront l'ensemble des politiques familiales qui seront élaborées par la suite. The smallest province, Prince Edward Island, sets the pattern for the nation in a registration for family allowances. Systems of handling the thousands of forms in Charlottetown is now being duplicated across the Dominion. On rural routes, data is mailed, which will end in every child under 16 receiving a monthly allowance from the government. The standard of living in every home across Canada will be raised by the Family Allowances Bill. C'est en 1945 qu'est donc créé le programme d'allocation familiale et comme le précise ce film d'actualité produit par l'armée canadienne à l'époque, c'est à l'île du Prince-Édouard que sera lancé le modèle qui sera ensuite adopté dans tout le pays et qui permettra à tous les enfants de moins de 16 ans de bénéficier chaque mois d'une allocation versée par le gouvernement fédéral. Pour retracer l'histoire de ce tout premier programme universel de sécurité sociale au pays, mon invité, l'économiste Yannick Marcille. Yannick, bonjour. Bonjour. Quand d'abord, et avant de parler de la création du programme en 45, quand est-ce qu'on commence à penser, à parler de cette idée d'une allocation familiale? En fait, ça remonte à assez loin. Hein. On pourrait remonter à plusieurs siècles avec les Poor Laws, notamment en Grande-Bretagne. Mais essentiellement, c'est à la fin du 19e siècle, avec la naissance de la sociologie, et de l'étude de la société, ouais, qu'on remarque d'abord, mais qu'on constate de façon un peu plus documentée, les très hauts taux de pauvreté, particulièrement dans les familles nombreuses, mais surtout le phénomène de sa perpétuation dans le temps, c'est-à-dire que la pauvreté se lègue de père en fils, ouais, en quelque sorte. Donc, dès la fin du 19e siècle, on cherchera à trouver des solutions collectives, pas nécessairement étatiques, mais collectives, pour enrayer ce qu'on appelle aujourd'hui le cercle vicieux de la pauvreté, mm-hmm, pour des raisons morales essentiellement, mais aussi, bien sûr, on le verra, pour des raisons politiques et économiques, notamment de stabilité sociale. Pour des raisons d'équité aussi, vous parlez. Absolument. Du début de la sociologie, c'est pas un hasard, tout ça se tient, puis on se rend compte justement, bon, comme vous le disiez, que la pauvreté, elle se trouve surtout dans les familles où il y a beaucoup d'enfants, mais il y a aussi une question d'équité, parce que évidemment le salaire qu'on reçoit n'a rien à voir avec le nombre d'enfants qu'on a, et là, il y a quelque chose, il y a une réflexion qui s'amorce, comment compenser d'une certaine façon entre le salarié sans enfant qui gagne le même salaire que celui qui a 2, 3, 4, 5, 6 enfants. Absolument. Et notamment, c'est, on ne va pas à l'encontre et en général, dans les pays industrialisés ou nouvellement industrialisés, on ne cherche pas à aller à l'encontre de la nativité. Mm-hmm. Hein, donc, à réduire le nombre d'enfants dans les familles. Mais au contraire, effectivement, on voit que la charge purement financière de ces familles nombreuses est beaucoup plus grande que celle des familles moins nombreuses par définition et qu'on cherchera à l'amoindrir. Mm-hmm. Pour des raisons d'équité, mais encore une fois aussi de stabilité sociale et éventuellement plus tard de développement économique. Ça, c'est le début de la réflexion. Ça donne rien concrètement. Arrive cette grande dépression en 1929, grande dépression des années 30. Et là, ça revient, cette question-là, au goût du jour. Et ça va être étudié, en fait, à la fois à Ottawa comme à Québec, Yannick. En fait, dans la plupart des pays du Commonwealth, on commencera à étudier la question, à s'y pencher en termes de politique publique. C'est ça qui commence à être nouveau, oui, avec avec la crise des années 30. On a déjà le New Deal qui se met en place. Donc déjà, l'État prend un peu plus de place, ou à tout le moins, on réfléchit au rôle de l'État, à la fois dans l'économie, dans la société et dans le développement social, ce qu'on appellera plus tard le développement social. Donc on commence à y réfléchir, sans peu de résultats, pour plein de raisons, notamment historiques, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale s'en vient notamment, on a d'autres chats à fouetter. Mais le germe est semé, la graine est semée, et donc on va commencer à réfléchir à ce que l'État pourrait faire pour soutenir ses familles. Et de fait, c'est à la fin de cette Deuxième Guerre mondiale, en 1945, que finalement est créé ce programme fédéral d'allocation familiale. Quel est l'élément déclencheur pour la création du programme? Il y en a plusieurs, mais il y en a un qui est un peu plus factuel, si on veut. C'est le dépôt en 1943 du rapport sur la sécurité sociale au Canada par Leonard Marsh, qui est un professeur à McGill, à Montréal. Qui en fait, ce monsieur est un réformateur social. On dirait aujourd'hui là, un bon social-démocrate, bon teint, bien de gauche. Et donc, qui lui envisage dans ce rapport vraiment là, des réformes radicales, en fait, un rôle très, très poussé pour l'État au soutien des familles, mais à construire ce qu'on appellera plus tard le filet social. Et notamment, il propose effectivement la mise en place d'une allocation familiale par enfant, universel, sans égard aux revenus des parents. Il faut se souvenir qu'on commande une étude à ce bon économiste Marsh parce qu'on sait bien qu'avec la fin de la guerre, c'est de l'activité économique vraiment fébrile. On sait bien que tout ça va s'estomper un peu. Il faut soutenir, au fond, la croissance économique. C'est un peu ça l'idée. Comment réussir à soutenir la croissance? Donc, il fait ses études. Qu'est-ce qui décidera finalement? Parce qu'il y a plein de politiques de proposer, mais le gouvernement King, Mackenzie King, n'en retient en gros qu'une. Celle touchant l'allocation familiale. Pourquoi? Tout à fait. En fait, il y a plusieurs faisceaux d'explications, comme je le disais. Il y a cette volonté d'équité, de soutien, d'éducation du filet social, mais d'autre part, il y a le contexte militaire et politique. C'est-à-dire, d'une part, comme vous l'avez dit, la démobilisation qui s'en vient, on la voit s'en venir, va créer nécessairement un taux de chômage immense. Les hommes qui reviennent du front réintégreront les usines. Donc, au point de vue économique, on sait qu'il faut faire quelque chose. D'autre part, il y a l'aspect purement politique. Oui. Et ça, c'est très important. C'est vrai au Canada, mais c'est vrai à peu près partout chez les alliés, chez ceux qui étaient les alliés. C'est-à-dire qu'on voit la montée de la gauche à l'intérieur et de l'attrait pour les idées communistes. Parce qu'il y a maintenant... Il existait depuis 1917, mais bon, le bloc soviétique, après la guerre, prend forme. Là. Et non seulement prend forme, mais il est légitime, puisqu'il fait partie des alliés, n'est-ce pas? Donc, ça n'est plus l'ennemi... ça n'est pas l'ennemi pendant la guerre. Ça le deviendra par la suite, évidemment, pendant la guerre froide. Oui. Mais donc, on veut contrer cet attrait exactement pour le socialisme, disons ça comme ça. Et donc, les gouvernements un peu partout en Occident visent à offrir des politiques perçues comme plus sociales, plus progressistes. Et l'allocation familiale en est une super facile, hein, parce qu'on donne un chèque littéralement pour chacun des enfants dans les familles. Il y a quelque chose d'électoraliste aussi. Mais complètement. On le verra. Il y a un ingrédient très électoraliste de la part de Mackenzie King dans cette décision-là, mais qui est justifié de façon très rationnelle par des considérations économiques et de politique internationale, en quelque sorte. Alors, cet aspect électoraliste, il sera là, donc, en 1945. C'est une année d'élection, donc l'année de la création de ce programme. Il sera là aussi, si on se fie à Thérèse Casgrain, qui est à l'époque vice-présidente du CCF, qui est un peu l'ancêtre du NPD. Il sera là également, cet élément électoraliste, également à l'élection de 1949, parce qu'à ce moment-là, juste avant la campagne électorale, les libéraux, en fait, modifient le premier programme, celui de 45, qui réduisait le premier programme, le montant des allocations à partir du cinquième enfant. Mais juste avant les élections de 49, on modifie tout ça, il n'y aura plus de réduction. Et voici ce qu'en pense Thérèse Casgrain. Nous ne pouvons qu'applaudir au fait lui-même des allocations familiales. Et nous nous réjouissons de tout cœur que l'État daigne enfin reconnaître aux derniers enfants de nos familles nombreuses le même droit à la vie qu'il reconnaissait déjà au premier. Mais nous ne faisons pas erreur quant aux motifs qui ont pu inciter notre gouvernement actuel à poser cet acte de haute justice, car il ne faut pas s'y tromper. C'est au parti CCF, mesdames et messieurs, que les foyers canadiens doivent les allocations familiales. C'est lui qui, le premier au Canada, en a émis le principe et prôné l'application. Et c'est par crainte du CCF que le Parti libéral, à la veille des élections, rend enfin justice à la famille canadienne-française. Alors, Yannick Marcil, en quoi ce programme, celui de 49, qui est amendé par les libéraux, et celui de 45, quand il est créé, de quelle manière il est franchement électoraliste? À plusieurs égards. C'est-à-dire que, bon, d'abord, Mackenzie King veut remporter les élections, tout bêtement. Donc, il doit saupoudrer un peu des promesses électorales, comme c'est toujours le cas dans pareilles circonstances. Mais surtout, il doit convaincre une partie de l'électorat. Et donc, Thérèse Casgrain vient de le dire quelques années plus tard, mais ce sera vrai en 45, notamment l'électorat canadien-français, ouais. Donc québécois essentiellement, lequel électorat est constitué de familles généralement plus nombreuses, ouais, que dans le reste du Canada. On va lui reprocher d'ailleurs. Au Canada, là, on va dire, voici, c'est un programme pour le Québec, cette affaire. Exactement. On l'a appelé la prime au bébé. Hein? Oui. C'est-à-dire que plus t'as de bébés, ben, plus t'as un gros chèque. Donc, ça sera un argument contre les allocations familiales. Mais en l'occurrence, on peut peut-être donner un certain crédit à cet argument-là. Ouais. Il faut comprendre que physiquement, les familles reçoivent un chèque avec un drapeau qui est celui du gouvernement fédéral, ouais, donc et qui est associé, mais bien évidemment, au gouvernement en place qui le décide. C'est toujours très payant politiquement, absolument, aujourd'hui, absolument, comme en 1945. Thérèse Casgrain, qu'on entendait, va entrer dans une espèce de bataille assez fascinante. Racontez-nous ça. C'est elle qui va au fond, parce que le gouvernement Duplessis à Québec est très tiède, et je suis poli, en fait, ils sont pas du tout d'accord avec ce programme d'allocation familiale d'Ottawa. Et c'est Thérèse Casgrain qui va un petit peu mener la bataille contre Duplessis. Mais qu'est-ce qui fait que Duplessis veut absolument rien savoir de ça? Alors, c'est très intéressant. Et en fait, c'était assez symptomatique des relations Québec-Ottawa de l'époque, sous Duplessis, en fait. Donc, Duplessis, en bon autonomiste, ne veut pas voir le fédéral dans ses plates-bandes. Mm-hmm. Considère que les politiques familiales devraient être de juridiction provinciale, d'une part. D'autre part, l'argument national conservateur a son poids aussi. C'est-à-dire que le chèque d'allocation familiale est versé à la mère, oui, dans le programme fédéral initial. Or, bien sûr, comme on le sait, Duplessis et ses supporters nationalistes conservateurs ne veulent pas donner plus un rôle ou un pouvoir, surtout pas économique, aux femmes, aux mères au foyer. Et donc, s'arment juridiquement pour dire que c'est inconstitutionnel, que de faire le chèque aux mères, c'est inconstitutionnel parce que ça va à l'encontre du Code civil du Québec, qui n'existe pas ailleurs au Canada, qui donne la prérogative de la responsabilité du ménage au père, hein, le bon père de famille, famille, ouais, le chef de famille, voilà. Ouais. Et Thérèse Casgrain, finaude qu'elle était, fine stratège et tacticienne, s'entourera elle aussi de juristes pour démontrer que dans le même code civil, il y a une disposition qui accorde aux femmes la gestion quotidienne du ménage. Hmm. En français courant, ça veut dire c'est la femme qui fait les courses, qui achète la nourriture, par exemple, nécessaire, les vêtements pour les enfants, et ainsi de suite. Donc, que de facto, et même de jure, parce que dans le code civil, c'est inscrit, la mère de famille a la responsabilité quotidienne, malgré l'autorité, ouais, du père, du chef de famille. Et c'est comme ça qu'elle va gagner, en fait, auprès de Mackenzie King, qui a tout intérêt à l'écouter d'une bonne oreille, puisqu'il veut mater, bien évidemment, Duplessis et ses supporters. Et envoyer des chèques aux Québécois. Et envoyer des chèques aux Québécoises. Ouais. Du coup, c'est grâce à Thérèse Casgrain, en fait, que les mères québécoises, ouais, recevront leur chèque, cependant, un mois plus tard que toutes les autres Canadiennes, le temps que ce soit réglé. Et ça va être important. L'impact, il sera concret, là, pour les femmes, pour les familles du Québec et du Canada. Oh, absolument. On s'entend que, d'une part, il y a un taux de pauvreté. On le disait d'entrée de jeu de l'émission, il y a un taux de pauvreté immense, particulièrement dans les familles nombreuses. C'est encore le cas dans l'immédiat après-guerre, à cause de la démobilisation notamment. Donc, ce ne sont pas des chèques qui peuvent nous paraître très généreux, mm-hmm, dans nos standards actuels. En l'occurrence, c'était un chèque d'une moyenne de un peu moins de 6 $ par enfant par mois, ouais, ce qui représente autour de 75 $ en dollars actuels. Ouais. Mais il y a un principe qui est reconnu aussi. Mais voilà. Et c'est ce principe-là, il est très chaud au cœur des familles canadiennes, françaises et québécoises en particulier, contre Duplessis. Mm-hmm. Parce qu'il n'y aura pas de soulèvement pour appuyer Duplessis dans ses revendications, mm-hmm, parce que les familles québécoises savent très bien qu'effectivement, c'est la mère de famille qui gère le, ouais, budget familial et qui reçoit ce chèque-là qui fait beaucoup de bien de façon matérielle, mais c'est aussi même symbolique. D'une certaine manière, une mesure, c'est un terrain glissant, mais à l'époque, disons ça comme ça, une mesure féministe, parce que c'est de dire on reconnaît le travail qui est fait par une femme qui reste à la maison. C'est un peu ça l'idée aussi. Tout à fait. Il faut mettre des gros guillemets autour du mot, oui, féministe, mais effectivement, c'est une reconnaissance à tout le moins symbolique du rôle de la mère, mais aussi partie du rôle de la mère qu'il y a beaucoup d'enfants, ouais. Ce qui est très précieux au Québec. Il y a une belle contradiction dont on parle dans un instant, Yannick Marcille, c'est que ce programme-là, évidemment, on le voit bien, là, pouf, on reçoit un chèque chaque mois. C'est un programme qui est très populaire, mais la contradiction, c'est qu'il va être négligé par le gouvernement fédéral. On n'augmentera pratiquement pas les sommes, on les augmentera pas pendant des années, les sommes qui sont envoyées aux mères de famille chaque mois. Écoutez le journaliste Laval Le Borgne en parler avec des mères de famille de Nicolet à l'émission Présent en 1967. Pourriez-vous tout d'abord essayer de nous expliquer quels sont vos principaux reproches au système actuel? L'allocation familiale. On peut dire qu'il n'est sûrement pas adapté au moment actuel, au temps présent. Si on calcule ce que coûte pour faire manger un enfant par jour, ensuite l'habillement, les bottes, les souliers, si on croit que l'allocation doit venir aider, nous aider vraiment, c'est nettement insuffisant. D'après certaines enquêtes, on dit que ça coûte 5 $ par semaine pour faire manger un tout petit enfant, alors qu'on reçoit 6 $ par mois. Nous autres, on a toujours essayé de donner de la culture aux enfants avec les allocations familiales. Ce qu'on ne pourrait pas leur donner si on ne les avait pas. Disons que moi, lorsque mon fils était très jeune, je le conseille pas aux autres mères de famille, mais je m'en servais pour acheter mes produits de beauté. Mais cette année, il est tard, j'ai suivi des cours préscolaires, alors je me sers des allocations familiales pour ça. Ah, c'est succulent ce qu'on vient d'entendre, Yannick Marcille. Oui. Que ce soit pour payer ses produits de beauté, un peu de culture à ses enfants, pourquoi pas, pour les nourrir. Puis c'est vrai que le chèque arrive au nom de la mère, mais ça fait une différence pour les familles, ça c'est certain. Et pourtant... les programmes, la prestation ne bougera pas pendant des années. Comment expliquer cette contradiction-là? Super populaire comme programme, on ne verse pas plus dans le programme d'année en année. Effectivement, en fait, en dollars courants, dollars annuels, là, ça ne change pas de 1945, de son inauguration jusqu'en 1973, à part une mini-bonification. Et en dollars d'aujourd'hui, on passe d'une valeur de 75 $ au tout début à presque 35 $. Donc, c'est moins que la moitié de valeur pendant ces 30 ans-là. Pourquoi? Parce que le gouvernement fédéral n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que, comme cette dame le dit, en fait, ça ne change pas énormément de choses sur le budget. C'est un petit ajout, c'est bienvenu, mais c'est le symbole qui est beaucoup plus important. C'est le fait que le régime soit universel, qu'on reconnaisse symboliquement l'apport de la mère et des familles nombreuses dans la société est suffisant pour garder, d'une part, la force du programme, mais aussi, c'est que parallèlement, à partir de la fin des années 50 et pendant les années 60, l'État-providence de façon plus large, donc un ensemble de politiques sociales et de politiques publiques se mettent en place. Oui. Et donc, il n'y a plus que l'allocation familiale qui est sur... C'est une mesure. Exactement, qui est dans le débat public. Oui. Cette fameuse bonne vieille guerre entre Québec et Ottawa qui commence dès 1945 avec le gouvernement Duplessis, dès le moment où Mackenzie King décide de créer l'allocation familiale, cette guerre-là va se poursuivre de gouvernement en gouvernement. Si bien qu'en 61, le gouvernement du Québec va créer un premier volet carrément québécois lié au programme d'allocation familiale. On écoute Émilien Lafrance, qui est ministre québécois du bien-être social et de la famille à l'époque, nous en parlait. À quel âge les enfants y ont-ils droit? De 16 ans à 18 ans, au moment où cessent les allocations familiales fédérales, de 16 ans à 18 ans. Et à quel moment et à qui sont payables les allocations? Les allocations sont payables durant les mois de scolarité, les mois d'école seulement, c'est-à-dire les mois de septembre à juin, et sont payables soit à la mère ou, dans certains cas, au père, à la tante, à la grand-mère ou à un tuteur qui est désigné par la commission. Et combien d'enfants pensez-vous vont profiter des allocations? Bien, nous prévoyons que au moins 75 000 enfants profiteront de ces allocations. Et nous croyons que cette mesure contribuera largement à augmenter la scolarité de nos gens, car des statistiques nous démontrent que l'une des causes principales de l'abandon des classes des adolescents cessants, c'est surtout le manque de ressources de la part des parents. Alors, nous croyons que cette mesure augmentera considérablement la fréquentation scolaire des adolescents. Ah, cette mesure dont nous parle le ministre québécois, ça nous amène à 1961. Yannick Marcil, c'est le premier volet québécois du programme d'allocation familiale, mais ça va se développer énormément. Ce programme deviendra, il y aura une composante québécoise très forte. De quelle manière, en fait, ça va se développer le programme québécois d'allocation familiale? En fait, cet extrait nous le montre très bien. On revient, en fait, aux préoccupations dont on a parlé, c'est-à-dire de la fin du 19e siècle. Oui. On constate qu'il y a peu de scolarisation de la part dans les familles pauvres, et que cette absence de scolarisation est due à la pauvreté. Donc là, on passe à l'étape suivante, en quelque sorte, dans les années 60. Donc c'est la proto-révolution, la révolution tranquille, pardon. C'est les débuts de l'édification du Québec moderne, ouais. C'est-à-dire qui est basé en grande partie, comme on le sait, sur l'éducation, sur la scolarité obligatoire, sur la valorisation de la scolarité postsecondaire également. Pour donc, briser le cycle de la pauvreté, éduquons notre population, elle sortira de la pauvreté. C'est exactement, exactement. Et collectivement, nous allons nous enrichir de cette nouvelle classe davantage scolarisée. Ouais. L'aspect universel, il est important. C'est le premier programme social canadien, l'allocation familiale, mais c'est aussi un programme universel. Et ça va progressivement changer. Oui. De quelle manière ça va se faire? Alors, symboliquement, c'est très, très fort. Hein? C'est-à-dire que peu importe le revenu des parents, tout le monde reçoit le même chèque. Donc, c'est la définition, évidemment, de l'universalité. Mais c'est la première fois qu'on le fait. Et ça frappe les esprits. Et ça permet, en fait, dans la grammaire et le vocabulaire politique à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, de proposer des politiques sociales, des politiques familiales universelles. Ça va effectivement commencer à s'étioler dans les années 80, comme c'est le cas de à peu près tous les programmes sociaux au pays comme ailleurs. C'est-à-dire qu'on va graduellement retirer les allocations familiales à partir d'un certain revenu pour les familles qui n'y auront plus accès. C'est une espèce de clientélisme, de tarification aussi parallèle des services publics qui se généralise à peu près partout dans les politiques publiques avec la montée du néolibéralisme et donc qui va faire en sorte que on créera tranquillement, depuis 30 ou 40 ans, plusieurs classes de citoyens où des citoyens les plus riches n'auront plus accès à ces programmes-là, tout en y contribuant davantage, bien sûr, par les impôts et les taxes. Ouais. Et puis ce sera, puis c'est déjà le temps de boucler la boucle, mais le premier programme, mais c'est plus que ça, c'est un petit peu la fondation, Yannick Marcil, ce programme d'allocation familiale, de tout ce qui va suivre. La fondation sur laquelle reposera l'élaboration des politiques publiques de soutien et beaucoup de soutien à la famille, en fait, puis au Québec en particulier. Oui, oui, on priorise la famille. Bon, le Québec, on a besoin de raconter l'histoire, comment la famille a été centrale dans l'imaginaire et dans la politique québécoise. On en a parlé avec Duplessis, mais c'est aussi le socle symbolique, je reprends ce mot, symbolique pour dire que le développement social, économique, scolaire, et voire même culturel, si on reprend l'extrait qu'on a entendu de cette dame, passe par la famille, oui. D'abord et avant tout, et non pas, comme on l'aurait vu en France, par l'école, par l'éducation nationale. Yannick Marcil, économiste, merci beaucoup de cette participation à l'émission. Ça fut un plaisir, comme d'habitude. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Pierre Plante. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.